les infos juridiques du CIDFF, Centre d'information des femmes et des familles de Nancy. Le changement de prénom. La circulaire publiée le 17 février 2017 détaille une démarche que quelques 3000 personnes entreprennent chaque année en France, le changement de prénom. Permise par la loi de modernisation de la justice du 21e siècle, cette mesure, en application depuis le 20 novembre 2017, évite désormais l'étape justice pour changer de prénom. Avant, il fallait passer par un avocat, déposer la requête au tribunal, puis être audiencé par un juge et un procureur. C'était un parcours qui pouvait coûter cher et être long, ce sera désormais plus rapide. En effet, dorénavant, pour changer de prénom, il suffit donc d'aller à la mairie déposer une demande auprès d'un officier d'état civil. Pour les mineurs, ce sont les parents ou le représentant légal qui effectuent la démarche, mais si l'enfant a plus de 13 ans, il doit donner son consentement. Cette nouvelle disposition devrait faciliter la tâche des personnes transgenres qui avaient jusqu'à présent beaucoup de mal à changer de prénom. En effet, le ministère de la Justice a essayé de faire du changement de prénom l'une des étapes vers le changement de sexe. La démarche est aussi valable pour les citoyens qui souhaitent modifier l'ordre de leur prénom, ajouter ou enlever un deuxième ou troisième prénom. La seule restriction, il faut qu'il y ait un intérêt légitime à ce changement. Si l'officier d'état civil doute de cet intérêt légitime de la demande ou estime que cette demande va être à l'encontre de l'intérêt de l'enfant, il peut alors saisir le procureur de la République. Donc dans quel cas peut-on changer légitimement de prénom ? Dans une lettre adressée au ministère de la Justice, l'Association des maires de France s'inquiétait du manque de consignes données par le ministère pour aider les officiers d'état civil. Ainsi, cette circulaire s'accompagne donc d'un document détaillant les différents cas de figure, outre le cas de personnes transgenres, dans lesquels, selon la jurisprudence, il y a un intérêt légitime à changer de prénom. Ce peut être la suppression ou la modification d'un prénom ridicule, seul ou quand il est associé au nom. Ce peut être les difficultés pour les porteurs d'un prénom vis-à-vis des autorités étrangères pour l'orthographe ou la prononciation. Ce peut être également la francisation d'un prénom, même si une démarche indépendante existe lors de la naturalisation. Ce peut être pour l'ajout ou la suppression d'un tiret d'un prénom composé, mais également le retour au prénom d'origine lorsque le changement n'a pas été fait par la personne qui porte le nom, par exemple ses parents, lorsqu'ils l'ont fait pour elle et qu'il était mineur, mais également la perpétuation d'une coutume familiale. Et enfin, l'usage prononcé d'un autre prénom que celui figurant à l'état civil. Dans tous les cas, le demandeur est invité à fournir le plus de pièces justificatives pour appuyer son dossier, en particulier si la demande se fonde sur l'usage d'un autre prénom ou d'une autre orthographe depuis une longue période. C'était les infos juridiques du CIDFF, une chronique proposée par le Centre d'information des femmes et des familles de Nancy, 1 rue du Manège. Pour toute question, téléphonez au 03 83 35 35 87.